Chapitre 21. Nouvelle expédition nocturne. La blessure d'Escander n'était pas grave. La cheville luxée fut mise dans le plâtre. Les soins et la présence de Germaine eurent vite fait de rétablir le journaliste. Mais il ne s'endormait pas dans la douce atmosphère que la jeune fille créait autour de lui. Il rédigea deux longues lettres, le lendemain même de la nuit où il avait délivré Germaine, pendant que celle-ci, de son côté, rassurait sa mère. Les deux lettres d'Escander furent postées à Paris par Verdot, dont le passage à bord de la limousine terrifia les populations des villages et les passants des routes. Les deux missives étaient adressées à Le Sautter et au président du conseil. Les réponses ne se firent pas attendre. « Venez en hâte, » disaient-elles toutes deux. Escander et Germaine obéirent, et ce fut encore Verdot qui, d'une allure foudroyante, les amena à Paris. Le soir même, en grand secret, eut lieu à l'Élysée un conseil sous la présidence du chef de l'État. Escander fut invité à comparaître. Il arriva, accompagné par Le Sautter, en s'aidant de deux béquilles par prudence. Introduit seul, très à l'aise, avec cette autorité de la parole que donne une conviction bien assise, le journaliste exposa les grandes lignes de son projet et raconta, sans omettre aucun détail, ce qu'il avait vu et entendu au cours de la nuit passée en partie au château du Hoc. Le conseil suprême dura deux longues heures, autour desquelles Escander rappela ce que chacun avait fait. Il mit en lumière le rôle de Germaine Laurière, qui, la première, avait jeté un peu de lumière dans cette ténébreuse affaire, ainsi que le dévouement de Verdot. Il coupa court aux félicitations dont il fut l'objet, en suppliant le conseil suprême de prendre, au cours de la nuit même, les décisions nécessaires pour que l'action fût foudroyante. La plupart des mesures générales préconisées par le reporter du Monde furent adoptées, et le conseil arrêta les détails d'un plan d'opération énergique et rapide. Tout se passa dans le plus grand secret. Aucune des décisions prises ne fut connue. Pendant que, à Londres, le roi et ce conseil discutaient la possibilité de traiter avec les Rajisrak, sans que l'honneur de la vieille Angleterre eût trop à en souffrir, la France, une fois de plus, s'apprêtait à sauver le monde. Escander et Verdot reprirent la route du Calvados. Germaine était restée auprès de sa mère. Elle devait rejoindre, quelques heures plus tard, les deux amis. Les jeunes gens étaient maintenant fiancés, et Mademoiselle Laurière ne voulait plus quitter Escander. « Vous m'appartenez comme je vous appartiens, lui avait-elle dit. Là où vous êtes, je dois être. » À cela, Escander n'avait rien trouvé à répondre. Pendant que l'automobile roulait, emmenant les deux rédacteurs au Monde, Escander, à demi étendu sur la banquette, se confessait à Verdot. « Mon vieux, j'ai bluffé comme un vulgaire joueur de poker, et c'est maintenant que commencent les grosses difficultés. Si nous échouons, nous faisons échouer la France et nous sommes déshonorés. C'est bien simple. » « Cela paraît en effet assez simple, dit Verdot. Mais que reste-t-il à faire ?»« Un rien. Empêcher Tokra de s'enfuir. » Et pour cela, immobiliser tous les avions dont il dispose. Diable ! Oui, diable. Mais si la chose est difficile, et elle l'est, elle n'est pas impossible. Vous savez que les avions doivent être remisés quelque part dans les sous-sols et qu'ils sont amenés un à un ou deux à deux sur la terrasse d'où ils prennent leur vol. Ce sont des ascenseurs hydroélectriques qui les conduisent ainsi à leur point de départ. Si nous pouvons empêcher les ascenseurs de fonctionner, nous les tenons tous. Comment faire? Des choses folles. J'ai là, sous votre siège, six grosses saucisses de dynamite. Verdot retira sa casquette, puis la remit. Ce qui m'ennuie surtout, c'est que j'ai sur moi une grosse partie de ma partition des chevaliers du guet, dit-il. Alors, si nous sautons, elle sautera avec nous et ce sera une grande perte. Inappréciable, dit Escander. Mais vous oubliez que nous ne serons plus là pour en éprouver l'étendue, ça simplifie la question. Je continue. Cette nuit, nous allons de nouveau pénétrer dans le château, nous déposerons nos cartouches sous le réservoir d'eau qui sert au fonctionnement des ascenseurs. Nous allumons le cordon, assez long pour durer 4 heures, et nous partons. Que je voudrais, dit Verdot, voir sauter ces bâtisses. Mais pourquoi ne faisons-nous pas aussi sauter Tokra et sa bande? Ça simplifierait tellement les choses. Il faut prendre Tokra vivant. Il y eut un silence. Escander le rompit pour dire : Tâchons de dormir un peu. À la vérité, il voulait savourer dans le silence son bonheur d'être aimé de Germaine. Verre d'eau pour charmer le temps, se fredonna mentalement les principaux airs des chevaliers du guet. Il avait totalement oublié, 10 minutes après, qu'il était assis sur 10 kilogrammes d'explosifs. Enfin, la voiture stoppa à Vierville. Les deux jeunes gens dînèrent, puis, à 10 heures, portant chacun une partie de la dynamite, ainsi que le chauffeur qui ignorait la dangereuse nature du paquet dont il était chargé, ils partirent. Escander pouvait marcher assez aisément, sa cheville n'était plus qu'engourdie. Arrivé au pied du mur, le journaliste renvoya le chauffeur, qui laissa là, en plus de son paquet, 2 rouleaux de cordes, dont l'une à nœud et terminée par un crampon de fer. « Il est encore trop tôt, » dit Escander. « Attendons minuit. » Alors, côte à côte, ils causèrent à voix basse, Verdeau fumant son éternelle pipe. Au loin, sur la mer, une sorte de battement régulier se faisait entendre. Tous deux prêtèrent l'oreille. « C'est un contre-torpilleur, » dit Verdeau. « Oui, alors l'escadre de la Manche est en mouvement. Je crois, Verdeau, que le soleil de demain éclairera des choses curieuses à voir. Et de grandes choses auxquelles, pour ma part, je serais fier d'avoir été mêlé. Oui, c'est un souvenir qui demeurera dans nos mémoires, parmi tant d'autres souvenirs, » continua Escander. Mais cependant, c'est moins la besogne et ce qu'on y risque que le résultat obtenu qui doit compter. Le reste n'est rien, ou presque rien. Dans 20 ans, j'allais dire 50, ce qui eût été exagéré. Dans 20 ans, on dira, en parlant de ces heures troublées et dramatiques, un ministre s'est trouvé qui a sauvé la France. C'est tout ce que nous y gagnerons. Mais comme dit le sage, pour vivre heureux, vivons cachés. Mais nous serons ce que nous avons fait. Ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, j'aime d'autant plus vivre caché que j'ai l'horreur du bruit. Et vous ? Moi pas, je suis un peu musicien, vous savez. Escander eut un sourire amusé que Verdeau ne fit que soupçonner. Eh bien, je crois que pas plus tard que demain, vous allez être servi à souhait. Comme musique, ça ne laissera rien à désirer, ou je me trompe fort. Allons, nous pouvons agir, je crois. À l'aide de la corde à nœud, dont le crampon de fer se fixa admirablement au faîtage du mur, les deux jeunes gens s'installèrent sur ce dernier et tirèrent à eux le paquet de dynamite lié au moyen de l'autre corde. 20 minutes après, ils étaient au pied du réservoir d'eau, montés sur des piliers de ciment. Chacun de ses pieds fut entouré par 2 saucisses, et toutes les saucisses furent reliées par un cordon détonnant. Verdeau recouvrit le chemin suivi par le cordon Bickford avec les herbes qu'il arracha, pendant qu'Escander ensevelissait les saucisses sous une mince couche de terre. Tout était terminé. Ils refranchirent le mur et, en portant leurs cordes, rentrèrent à Vierville. Verdeau chantait à tue-tête. Pendant que se passaient ces événements, les autorités n'étaient pas restées inactives. Pour la première fois, peut-être, on ne tâtonna pas. Des ordres, nets, précis, ne laissant place à aucune fausse interprétation, se succédèrent selon un plan dont tous les détails avaient été prévus, et le président du conseil pouvait savourer à l'avance le triomphe qu'il remporterait quand il annoncerait au Parlement, dès le lendemain peut-être, que la puissance des Rajisrak avait vécu et que la France gardait pour elle seule le mérite de les avoir vaincus. Dès les premières heures du soir, les troupes casernées à Cherbourg, à Bayeux, à Caen, se mettaient en marche. Des trains tenus prêts devaient les amener jusqu'au Molélitry, d'où elles rayonneraient dans diverses directions afin d'envelopper la falaise. L'artillerie avait également pris les voies ferrées, et bien avant minuit, heure à laquelle Escander et Verdeau minaient le réservoir d'alimentation des ascenseurs du château, se trouvaient en position tout autour de la pointe du Hoc, à 2 kilomètres environ. Les aéroplanes militaires, dissimulés dans les vastes herbages, n'attendaient plus qu'un signal pour prendre leur vol. De son côté, l'escadre de la Manche avait allumé ses feux le matin, et à la nuit était venu mouiller entre Cherbourg et Le Havre, barrant à 2 kilomètres de la côte les routes de la mer. Le ministre avait décidé que l'infanterie enserrerait le repère, puis que les sommations légales seraient faites. Si, comme il le pensait, elles restaient inutiles, les artilleries de terre et de mer entreraient en action et ensevelirait le château sous une avalanche de projectiles. Quand Escander et Verdeau s'éveillèrent à l'aurore après un bref sommeil, le village de Vierville était occupé militairement. Les deux journalistes se rendirent auprès du général commandant les troupes. Escander avait dans son portefeuille une lettre du président du conseil, le recommandant à cet officier général. Germaine était arrivée le matin même, elle se joignit aux deux jeunes gens. Le général très courtois dit à Escander. J'ai l'ordre de vous permettre d'accompagner l'officier chargé de pénétrer dans le château, mais il ne concerne vous. Monsieur, et il désignait Verdot, restera ici, et croyez-moi, il ne perdra rien du spectacle, non plus que madame. Les deux journalistes durent s'incliner. Un clairon sonna le rassemblement. Le général tira sa montre, il était 4h35. L'action était commencée. Au château du Hoc, Tokra Dazipal faisait préparer son départ éventuel.